Réponse numéro 19. Ce qui est voulu par cela, ce sont les livres qu'Allah a fait descendre sur ses messagers, par miséricorde et guidés pour les créatures, afin qu'elles parviennent au bonheur sur terre et dans l'au-delà. Source Nubdatun fil Aqidah de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. المراد بها الكتب التي أنزلها الله على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. المصدر نبذة في العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين.